L'orthographe, vous savez, ça ne veut rien dire. D'après Mireille, est-ce qu'il faut faire très attention à l'orthographe? Non, l'orthographe, ça ne veut rien dire. Tenez, par exemple, Boucher, c'est un nom propre, un nom de famille. Boucher, c'est un nom propre. C'est un nom propre. Un nom de famille. Tenez, par exemple, Boucher, c'est un nom propre, un nom de famille. C'est aussi un nom de métier, le boucher qui vend de la viande. C'est aussi un nom de métier, c'est aussi un nom de métier. Le boucher qui vend de la viande, de la viande. Le boucher vend de la viande. Boucher est un nom de famille, un nom propre. Mais qu'est-ce que c'est aussi? Un nom de métier. Que fait un boucher? Il vend de la viande.